Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du Mac d'Actu. Nous avons aujourd'hui pris le chemin de la Charpente à Amboise, lieu d'accueil et de résidence artistique, pour venir à la rencontre du collectif de théâtre Le Poulpe, qui est à pied d'œuvre sur la préparation de son truc, qui aura lieu ici même du 26 au 28 juillet. Alors Le Poulpe, c'est 8 comédiens, Cécile, Jules, Quentin, Louise, Delphine, Lorraine, Nicolas et Maude, qui se sont rencontrés au Conservatoire de Tours et qui se sont rassemblés en 2017 pour créer des projets dans le cadre du spectacle vivant, mais pas n'importe comment, en partageant des valeurs communes qui sont la bienveillance, l'échange, l'entraide et l'équité. Un ensemble donc, mais qui laisse aussi place aux volontés individuelles de chacun. Bonjour Delphine. Delphine, vous êtes co-créatrice du collectif et comédienne au sein de ce dernier. Est-ce que je me trompe dans cette présentation ? C'est parfait. C'est parfait à une toute petite nuance près qu'on n'est pas que comédien et comédienne. Il y a aussi, alors c'est la base de notre travail parce que c'est au Conservatoire de Tours en théâtre, en formation de comédien qu'on s'est rencontrés. Mais on a aussi chacun et chacune développé plein de choses autour de la création théâtrale et même du spectacle vivant de façon générale. Photographie, musique, déco, scénographie, enfin un peu tous les domaines, écriture aussi, voilà. Donc Le Poulpe, vraiment, on va dire, prend sa source dans le jeu, mais s'est déployé aussi autour de plein de disciplines. Et c'est ça qu'on vient un peu mettre au service de cet événement ce week-end. C'est-à-dire que vous êtes en autonomie complète, hein, c'est-à-dire que le spectacle, c'est clé en main, tout est préparé par Le Poulpe. Voilà, c'est ça. En fait, on avait très envie depuis longtemps de créer un événement parce que, comme vous l'avez très justement dit en introduction, on crée des spectacles collectivement et individuellement. On est 8, donc ça nous donne une multiplicité de propositions qu'on avait envie de réunir en fait depuis longtemps. Or, dans les théâtres, en général, quand on va être programmé dans les villes, dans les salles, etc., il n'y a qu'un spectacle qui est acheté. Or là, eh ben, c'était l'occasion, nous, de créer une occasion de jouer plusieurs spectacles du collectif, et en l'occurrence 3 ce week-end. 8 personnes, 8 cerveaux, 8 ans à 8, hein, vous le disiez juste avant qu'on prenne l'antenne. La question qui est assez évidente et qu'on doit vous poser tout le temps, mais pourquoi Le Poulpe ? Alors, pourquoi Le Poulpe ? Parce qu'on est 8 et que Le Poulpe a 8 tentacules. Il y avait cette idée-là. Déjà, et aussi parce que c'est un nom qui nous faisait plutôt rire. Ça nous plaisait bien. Mais aussi, au-delà de ça, c'est l'idée vraiment d'avoir une tête pensante avec des tentacules qui sont solidaires et sans lesquels... En gros, la tête ne peut pas fonctionner sans les bras et les bras sans la tête. Et il y avait cette idée-là, à la fois collectif et individuel, qui nous semblait bien symboliser cette chose-là, quoi. Ok. Alors, vous êtes sur la préparation de cet événement qui s'appelle le truc. Alors, le truc que vous nous avez concocté pour ce week-end, c'est quoi ? Le truc, c'est un événement théâtral, musical, festif, familial. Il y a des animations, il y aura des jeux et tout ça se structure autour de donc 3 spectacles. Le premier, c'est donc Les Femmes Savantes de Molière, qui est une adaptation en fait de la pièce de Molière, mise en scène par Louise Maurice et jouée par 4 acteurs et actrices, qui est un spectacle qu'on joue d'habitude dans les collèges, plutôt dans les établissements scolaires, et qui là, pour la première fois, va jouer en extérieur et pour le tout public. Donc le public n'a pas encore rencontré ce spectacle, donc c'est une première exclusivité. Ah oui. Voilà. Ensuite, il y a une autre exclusivité qui s'appelle la Symphonie des Girafes, qui est un concert théâtral et qui est, on va dire, un satellite d'un spectacle qui existe déjà qui s'appelle Le Vertige des Girafes, où il y a déjà de la musique dans le spectacle, mais là, on a eu envie de l'adapter du coup pour un contexte extérieur, parce que normalement, c'est un spectacle en salle avec un décor, etc. Donc là, on a pris le personnage de ce spectacle et on lui fait jouer son premier concert devant les gens. Et c'est un personnage un petit peu qui peut avoir parfois du mal à... avec justement être en face du monde, etc., qui est assez timide et assez... Voilà, donc là, ça va être sa première expérience face à des gens et elle va chanter sa musique à cette occasion. Alors, ça s'adresse à quel public, là, Les Femmes Savantes ? Bon, on imagine que c'est tout public. Tout public, la Symphonie des Girafes aussi, on peut vraiment venir en famille. Et puis le troisième spectacle, Anna et Michel, c'est le cas aussi. Bon, c'est un peu plus tard, voilà, ça commence à 21h30, merci. Et là, il s'agit d'une conférence cabaret, c'est un duo, ça parle d'amour. Et c'est les personnages d'Anna et Michel qui viennent expliquer et raconter aux gens qu'est-ce que c'est que l'amour, faire une conférence là-dessus. Et puis, en fait, leur relation interpersonnelle et l'amour qu'ils et elles ont, l'un et l'une pour l'autre, eh bien, va venir un petit peu chambouler tout ça. Voilà. Alors, à 17h, ouverture des portes, donc ici même à la Charpente, avec un bar, un stand crêpe, une brocante. Oui, on fait une... ça va pas être une immense brocante, mais on s'est dit que ce serait une bonne idée parce qu'au théâtre, on utilise beaucoup de costumes, de décors, d'accessoires, des choses comme ça. Et puis, si on n'en fait rien, ça dort, ça ne bouge plus, ça reste stocké dans des cartons dans un local. Donc là, on s'est dit que c'était l'occasion de proposer ça aux gens à des prix très, très abordables. Nous, ça nous fait un peu de place pour les prochains spectacles. Et puis... ça donne l'occasion aux gens d'acheter des petites choses, voilà. Carrément, c'est une super idée. Donc ça démarrera à partir de 17h. À 18h, les femmes savantes, qui durent à peu près 50 minutes. À 19h, ouverture de la restauration avec des animations et des surprises, dont on ne va pas révéler le contenu, bien évidemment. 20h30, spectacle La Symphonie des girafes. Et là, fermeture de la brocante, parce que ça ne peut pas forcément se combiner avec le spectacle. C'est ça, oui. Et puis après, une fois que La Symphonie des girafes est lancée, on continue avec Anna et Michel, donc tout ça s'enchaîne finalement jusqu'à la suite du spectacle où il va encore y avoir des surprises et on va pas trop en dire, mais la fermeture des portes est à minuit, donc on passe aussi un moment convivial avec les gens. Après le dernier spectacle, on peut rester un petit peu, boire encore un petit coup, manger peut-être une dernière crêpe s'il en reste, et puis passer un moment ensemble. C'est ça qui nous importe le plus, c'est de passer du temps avec les gens. Et on pense que le théâtre est un très bon prétexte à ça. C'est le vecteur idéal, évidemment. Alors, si on prend sa place, est-ce que c'est pour un des spectacles ? Est-ce qu'il y a une billetterie pour assister à l'intégralité, sachant que c'est du 26 au 28, donc les 26, 27 et 28, c'est le même programme sur les 3 jours ? Oui, tout à fait. Vendredi, samedi, dimanche, vous venez... Vous allez voir globalement la même chose, en tout cas les spectacles, peut-être que les animations, il y aura des petites choses un peu plus spontanées qui vont se passer, mais globalement c'est la même chose. Alors oui, il y a une billetterie, réservation fortement recommandée, mais si vous vous décidez à la dernière minute, pas de panique, vous pouvez venir, évidemment. Voilà, si vous entendez, si vous avez l'information au dernier moment, il y aura de la place pour tout le monde. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, tarif réduit 10€ et adulte 15€. Et ça, c'est pour l'ensemble des spectacles. Après, voilà, chacun et chacune est libre d'arriver. La billetterie, l'accueil reste ouvert également pendant les spectacles. Si vous ne pouvez pas être là dès 17 ou 18h, pas de problème, venez quand même, on vous accueillera. Alors, j'ai aussi vu qu'il y aura un espace dédié à la création. Oui, absolument. Parce que avant de créer un spectacle, il y a tout un processus avant que le spectacle rencontre son public. Et ça aussi, c'est important pour nous de faire de la médiation. C'est un grand mot, mais en tout cas, de raconter un peu aux gens comment ça se passe de créer un spectacle. Et donc, comme c'est le cas en ce moment, il y a un spectacle en création dans le Poulpe. Eh bien, c'est l'occasion de lui donner un peu de visibilité et puis d'expliquer aux gens comment ça se passe, produire un spectacle, répéter, trouver la distribution, faire les décors, tout ça. Tout ça. Mais en tout cas, il y a une émulsion, ça grouille de partout à la Charpente aujourd'hui. Il y a des machines à coudre, il y a des scies sauteuses à l'extérieur, il y a tout plein de choses qui sont en train de se préparer. On souhaite vraiment beaucoup de succès à ces 3 jours, à votre collectif. Et où est-ce qu'on peut se renseigner ? Des réseaux sociaux ? Oui, vous pouvez nous trouver à @collectiflepoulpe. Tout attaché. Donc sur Facebook, il y a un événement Facebook, ça s'appelle Le Truc du Poulpe. Sur notre Instagram aussi, on met des choses régulièrement. Il y a le site internet aussi, www.collectiflepoulpe.com. Et il y a une billetterie en ligne. Il y a même une plateforme de covoiturage. Ça, c'est important. C'est super, voilà. Ça, j'ai vu. Ouais, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de venir en voiture, seul, etc. Ouais. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme-là. On peut venir en vélo pour les plus motivés. Il y a la Loire à vélo, c'est sympa. Il y a le train, puisque la Charpente est juste au pied de la gare. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas venir ce week-end. Donc venez découvrir ce truc comme 3 représentations uniques et chouettes. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, et si on devait terminer en musique, vous choisiriez quel titre ? Si on devait finir en musique, je choisirais la chanson « Le temps de l'amour » de Françoise Hardy, qui était la dernière chanson de notre tout premier spectacle, qui s'appelait Adlib, et qui a été créée ici même, à La Charpente, en 2017. Il y a 8 ans. Voilà. Et puis, on fait un petit coucou à Françoise Hardy, de là où elle est. Merci beaucoup, Delphine. Bon anniversaire et beaucoup de succès au Truc du Poulpe. Merci beaucoup.